John Locke, Second traité du gouvernement civil, traduction David Mazel. Chapitre 2. De l'état de nature. Pour bien entendre en quoi consiste le pouvoir politique, et pour connaître sa véritable origine, il faut considérer dans quel état tous les hommes sont naturellement. C'est un état de parfaite liberté, un état dans lequel, sans demander de permission à personne, et sans dépendre de la volonté d'aucun autre homme, ils peuvent faire ce qui leur plaît, et disposer de ce qu'ils possèdent et de leur personne comme ils jugent à propos, pourvu qu'ils se tiennent dans les bornes de la loi de la nature. Cet état est aussi un état d'égalité, en sorte que tout pouvoir et toute juridiction est réciproque, un homme n'en ayant pas plus qu'un autre. Car il est très évident que des créatures d'une même espèce et d'un même ordre, qui sont nées sans distinction, qui ont part aux mêmes avantages de la nature, qui ont les mêmes facultés, doivent pareillement être égales entre elles, sans nulle subordination ou suggestion, à moins que le Seigneur et le Maître des créatures n'aient établi, par quelque manifeste déclaration de sa volonté, quelques-unes sur les autres, et leur aient conféré, par une évidente et claire ordonnance, un droit irréfragable à la domination et à la souveraineté. C'est cette égalité où sont les hommes naturellement que le judicieux Hooker regarde comme si évidente en elle-même et si hors de contestation qu'il en fait le fondement de l'obligation où sont les hommes de s'aimer mutuellement. Il fonde sur ce principe d'égalité tous les devoirs de charité et de justice auxquels les hommes sont obligés les uns envers les autres. Voici ses paroles. Citation. Le même instinct a porté les hommes à reconnaître qu'ils ne sont pas moins tenus d'aimer les autres qu'ils sont tenus de s'aimer eux-mêmes. Car, voyant toutes choses égales entre eux, ils ne peuvent que comprendre qu'il doit y avoir aussi entre tous une même mesure. Si je ne puis que désirer de recevoir du bien, même par les mains de chaque personne, autant qu'aucun autre homme en peut désirer pour soi, comment puis-je prétendre de voir en aucune sorte mon désir satisfait si je n'ai soin de satisfaire le même désir qui est infailliblement dans le cœur d'un autre homme qui est d'une seule et même nature avec moi? S'il se fait quelque chose qui soit contraire à ce désir que chacun a, il faut nécessairement qu'un autre en soit aussi choqué que je puis l'être. Tellement que, si je nuis et cause du préjudice, je dois me disposer à souffrir le même mal, n'y ayant nulle raison qui oblige les autres à avoir pour moi une plus grande mesure de charité que j'en ai pour eux. C'est pourquoi le désir que j'ai d'être aimé autant qu'il est possible de ceux qui me sont égaux dans l'état de nature m'impose une obligation naturelle de leur porter et témoigner une semblable affection. Car enfin, il n'y a personne qui puisse ignorer la relation d'égalité entre nous-mêmes et les autres hommes, qui sont d'autres nous-mêmes, ni les règles et les lois que la raison naturelle a prescrites pour la conduite de la vie. Fin de citation. Cependant, quoique l'état de nature soit un état de liberté, ce n'est nullement un état de licence. Certainement, un homme en cet état a une liberté incontestable par laquelle il peut disposer comme il veut de sa personne ou de ce qu'il possède. Mais il n'a pas la liberté et le droit de se détruire lui-même, non plus que de faire tort à aucune autre personne ou de la troubler dans ce dont elle jouit. Il doit faire de sa liberté le meilleur et le plus noble usage que sa propre conservation demande de lui. L'état de nature a la loi de la nature qui doit le régler, et à laquelle chacun est obligé de se soumettre et d'obéir. La raison, qui est cette loi, enseigne à tous les hommes, s'ils veulent bien la consulter, qu'étant tous égaux et indépendants, nul ne doit nuire à un autre par rapport à sa vie, à sa santé, à sa liberté, à son bien. Car les hommes étant tous l'ouvrage d'un ouvrier tout-puissant et infiniment sage, les serviteurs d'un souverain maître, placés dans le monde par lui et pour ses intérêts, ils lui appartiennent en propre, et son ouvrage doit durer autant qu'il lui plaît, non autant qu'il plaît à un autre. Et étant doué des mêmes facultés dans l'état de nature, on ne peut supposer aucune subordination entre nous qui puisse nous autoriser à nous détruire les uns les autres comme si nous étions faits pour les usages les uns des autres, de la même manière que les créatures d'un rang inférieur au nôtre sont faites pour notre usage. Chacun, donc, est obligé de se conserver lui-même et de ne quitter point volontairement son poste, pour parler ainsi. Et lorsque sa conservation n'est point en danger, il doit, selon ses forces, conserver le reste des hommes. Et, à moins que ce ne soit pour faire justice de quelque coupable, il ne doit jamais ôter la vie à un autre, ou préjudicier à ce qui tente à la conservation de sa vie, par exemple, à sa liberté, à sa santé, à ses membres ou à ses biens. Mais afin que personne n'entreprenne d'envahir les droits d'autrui et de faire tort à son prochain, et que les lois de la nature, qui a pour but la tranquillité et la conservation du genre humain, soient observées, la nature a mis chacun en droit, dans cet état, de punir la violation de ses lois, mais dans un degré qui puisse empêcher qu'on ne les viole plus. Les lois de la nature, aussi bien que toutes les autres lois qui regardent les hommes en ce monde, seraient entièrement inutiles si personne dans l'état de nature n'avait le pouvoir de les faire exécuter, de protéger et de conserver l'innocent, et de réprimer ceux qui lui font tort. Que si dans cet état, un homme en peut punir un autre à cause de quelque mal qu'il aura fait, chacun peut pratiquer la même chose. Car, en cet état de parfaite égalité, dans lequel naturellement nul n'a de supériorité ni de juridiction sur un autre, ce qu'un peut faire, en vertu des lois de la nature, tout autre doit avoir nécessairement le droit de le pratiquer. Ainsi, dans l'état de nature, chacun a, à cet égard, un pouvoir incontestable sur un autre. Ce pouvoir, néanmoins, n'est pas absolu et arbitraire, en sorte que, lorsqu'on a entre ses mains un coupable, l'on ait le droit de le punir par passion et de s'abandonner à tous les mouvements, à toutes les fureurs d'un cœur irrité et vindicatif. Tout ce qu'il est permis de faire en cette rencontre, c'est de lui infliger les peines que la raison tranquille et la pure conscience dictent et ordonnent naturellement. Peines proportionnées à sa faute, et qui ne tendent qu'à réparer le dommage qui a été causé, et qu'à empêcher qu'il n'en arrive un semblable à l'avenir. En effet, ce sont les deux seules raisons qui peuvent rendre légitime le mal qu'on fait à un autre et que nous appelons punition. Quand quelqu'un viole les lois de la nature, il déclare par cela même qu'il se conduit par d'autres règles que celles de la raison et de la commune équité, qui est la mesure que Dieu a établie pour les actions des hommes afin de procurer leur mutuelle sûreté. Et dès lors, il devient dangereux au genre humain. En effet, le lien formé des mains du Tout-Puissant pour empêcher que personne ne reçoive de dommages et qu'on use envers lui d'aucune violence est rompu et foulé aux pieds par un tel homme. De sorte que, sa conduite offensant toute la nature humaine et étant contraire à cette tranquillité et à cette sûreté à laquelle il a été pourvu par les lois de la nature, chacun, par le droit qu'il a de conserver le genre humain, peut réprimer ou, s'il est nécessaire, détruire ce qui lui est nuisible. En un mot, chacun peut infliger à une personne qui a enfreint ses lois des peines qui soient capables de produire en lui du repentir et lui inspirer une crainte qui l'empêche d'agir une autre fois de la même manière et qui, même, fasse voir aux autres un exemple qui les détourne d'une conduite pareille à celle qui les lui a attirées. En cette occasion donc, et sur ce fondement, chacun a droit de punir les coupables et d'exécuter les lois de la nature. Je ne doute point que cette doctrine ne paraisse à quelques-uns fort étrange, mais Avant que de la condamner, je souhaite qu'on me dise par quel droit un prince ou un État peut faire mourir ou punir un étranger qui aura commis quelque crime dans les terres de sa domination. Il est certain que les lois de ce prince ou de cet État, par la vertu et la force qu'elles reçoivent de leur publication et de l'autorité législative, ne regardent point cet étranger. Ce n'est point à lui que ce souverain parle, ou s'il le faisait, l'étranger ne serait point obligé de l'écouter et de se soumettre à ses ordonnances. L'autorité législative, par laquelle des lois ont force de loi par rapport au sujet d'une certaine république et d'un certain État, n'a assurément nul pouvoir et nul droit à l'égard d'un étranger. Ceux qui ont le pouvoir souverain de faire des lois en Angleterre, en France, en Hollande, sont à l'égard d'un Indien, aussi bien qu'à l'égard de tout le reste du monde, des gens sans autorité. Tellement que, si en vertu des lois de la nature, chacun n'a pas le pouvoir de punir, par un jugement modéré, et conformément au cas qui se présente, ceux qui les enfreignent, je ne vois point comment les magistrats d'une société et d'un État peuvent punir un étranger. Si ce n'est parce qu'à l'égard d'un tel homme, ils peuvent avoir le même droit et la même juridiction que chaque personne peut avoir naturellement à l'égard d'un autre. Lorsque quelqu'un viole la loi de la nature, qu'il s'éloigne des droites règles de la raison et fait voir qu'il renonce aux principes de la nature humaine et qu'il est une créature nuisible et dangereuse, chacun est en droit de le punir. Mais celui qui en reçoit immédiatement et particulièrement quelque dommage ou préjudice, outre le droit de punition qui lui est commun avec tous les autres hommes, a un droit particulier en cette rencontre, en vertu duquel il peut demander que le dommage qui lui a été fait soit réparé. Et si quelque autre personne croit cette demande juste, elle peut se joindre à celui qui a été offensé personnellement et l'assister dans le dessein qu'il a de tirer satisfaction du coupable, en sorte que le mal qu'il a souffert puisse être réparé. De ces deux sortes de droits, dont l'un est de punir le crime pour le réprimer et pour empêcher qu'on ne continue à le commettre, ce qui est le droit de chaque personne, l'autre, d'exiger la réparation du mal souffert, le premier a passé et a été conféré au magistrat qui, en qualité de magistrat, a entre les mains le droit commun de punir. Et toutes les fois que le bien public ne demande pas absolument qu'il punisse et châtie la violation des lois, il peut, de sa propre autorité, pardonner les offenses et les crimes. Mais il ne peut point disposer de même de la satisfaction due à une personne privée à cause du dommage qu'elle a reçu. La personne qui a souffert en cette rencontre a droit de demander la satisfaction ou de la remettre. Celui qui a été endommagé a le pouvoir de s'approprier les biens ou le service de celui qui lui a fait tort. Il a ce pouvoir par le droit qu'il a de pourvoir à sa propre conservation. Tout de même que chacun, par le droit qu'il a de conserver le genre humain et de faire raisonnablement tout ce qui lui est possible sur ce sujet, a le pouvoir de punir le crime pour empêcher qu'on ne le commette encore. Et c'est pour cela que chacun, dans l'état de nature, est en droit de tuer un meurtrier, afin de détourner les autres de faire une semblable offense que rien ne peut réparer ni compenser, en les épouvantant par l'exemple d'une punition à laquelle sont sujets tous ceux qui commettent le même crime. Et ainsi, mettre les hommes à l'abri des attentats d'un criminel qui, ayant renoncé à la raison, à la règle, à la mesure commune que Dieu a donnée au genre humain, a, par une injuste violence et par un esprit de carnage dont il a usé envers une personne, déclaré la guerre à tous les hommes, et par conséquent, doit être détruit comme un lion, comme un tigre, comme une de ces bêtes féroces avec lesquelles il ne peut y avoir de société ni de sûreté. Aussi est-ce sur cela qu'est fondée cette grande loi de la nature. Si quelqu'un répand le sang d'un homme, son sang sera aussi répandu par un homme. Et Caïn était si pleinement convaincu que chacun est en droit de détruire et d'exterminer un coupable de cette nature, qu'après avoir tué son frère, il criait « Quiconque me trouvera, me tuera ». Tant il est vrai que ce droit est écrit dans le cœur de tous les hommes. Par la même raison, un homme dans l'état de nature peut punir la moindre infraction des lois de la nature. Par la même raison, un homme dans l'état de nature peut punir la moindre infraction des lois de la nature. Mais peut-il punir de mort une semblable infraction ? Demandera quelqu'un. Je réponds que chaque faute peut être punie dans un degré et avec une sévérité qui soit capable de causer du repentir au coupable et d'épouvanter si bien les autres qu'il n'ait pas envie de tomber dans la même faute. Chaque offense commise dans l'état de nature peut pareillement dans l'état de nature être punie autant s'il est possible qu'elle peut être punie dans un état et dans une république. Il n'est pas de mon sujet d'entrer dans le détail pour examiner les degrés de châtiment que les lois de la nature prescrivent. Je dirais seulement qu'il est très certain qu'il y a de telles lois, et que ces lois sont aussi intelligibles et aussi claires à une nature raisonnable et à une personne qui les étudie que peuvent être les lois positives des sociétés et des États. Et même sont-elles peut-être plus claires et plus évidentes. Car enfin, il est plus aisé de comprendre ce que la raison suggère et dicte que les fantaisies et les inventions embarrassées des hommes, lesquelles suivent souvent d'autres règles que celles de la raison, et qui, dans les termes dont ils se servent dans leurs ordonnances, peuvent avoir dessein de cacher et d'envelopper leurs vues et leurs intérêts. C'est le véritable caractère de la plupart des lois municipales des pays qui, après tout, ne sont justes qu'autant qu'elles sont fondées sur la loi de la nature, selon lesquelles elles doivent être réglées et interprétées. Je ne doute point qu'on objecte à cette opinion, qui pose que dans l'état de nature, chaque homme a le pouvoir de faire exécuter les lois de la nature et d'en punir les infractions, je ne doute point, dis-je, qu'on objecte que c'est une chose fort déraisonnable que les hommes soient juges de leur propre cause, que l'amour-propre rend les hommes partiaux et les fait pencher vers leurs intérêts et vers les intérêts de leurs amis. Que d'ailleurs, un mauvais naturel, la passion, la vengeance, ne peuvent que les porter au-delà des bornes d'un châtiment équitable. Qu'il ne s'ensuivrait de là que confusion, que désordre, et que c'est pour cela que Dieu a établi les puissances souveraines. Je ne fais point de difficulté d'avouer que le gouvernement civil est le remède propre aux inconvénients de l'état de nature qui, sans doute, ne peuvent être que grands partout où les hommes sont juges de leur propre cause. Mais je souhaite que ceux qui font cette objection se souviennent que les monarques absolus sont hommes, et que si le gouvernement civil est le remède des maux qui arriveraient nécessairement si les hommes étaient juges dans leur propre cause, et si par cette raison l'état de nature doit être abrogé, on pourrait dire la même chose de l'autorité des puissances souveraines. Car enfin, je demande, le gouvernement civil est-il meilleur à cet égard que l'état de nature ? N'est-ce pas un gouvernement où un seul homme, commandant à une multitude, est juge dans sa propre cause et peut faire à tous ses sujets tout ce qu'il lui plaît, sans que personne ait droit de se plaindre de ceux qui exécutent ses volontés ou de former aucune opposition ? Ne faut-il point se soumettre toujours à tout ce que fait et veut un souverain, soit qu'il agisse par raison ou par passion ou par erreur ? Or, c'est ce qui ne se rencontre pourtant point et qu'on n'est point obligé de faire dans l'état de nature, l'un à l'égard de l'autre. Car si celui qui juge, juge mal et injustement dans sa propre cause ou dans la cause d'un autre, il en doit répondre. Et on peut en appeler au reste des hommes. On a souvent demandé, comme si on proposait une puissante objection, en quel lieu et quand les hommes sont ou ont été dans cet état de nature. À quoi il suffira pour le présent de répondre que les princes et les magistrats des gouvernements indépendants qui se trouvent dans l'univers, étant dans l'état de nature, il est clair que le monde n'a jamais été, ne sera jamais, sans un certain nombre d'hommes qui ont été et qui seront dans l'état de nature. Quand je parle des princes, des magistrats et des sociétés indépendantes. Je les considère précisément en eux-mêmes, soit qu'ils soient alliés, soit qu'ils ne le soient pas. Car ce n'est pas toutes sortes d'accords qui met fin à l'état de nature, mais seulement celui par lequel on entre volontairement dans une société et on forme un corps politique. Toute autre sorte d'engagements et de traités que les hommes peuvent faire entre eux les laisse dans l'état de nature. Les promesses et les conventions faites, par exemple pour un troc, entre deux hommes dans une île déserte dont parle Garcilaso de la Vega dans son histoire du Pérou, ou entre un Suisse et un Indien dans les déserts de l'Amérique, sont des liens qu'il n'est pas permis de rompre, et sont des choses qui doivent être ponctuellement exécutées, quoique ces sortes de gens soient, en cette occasion, dans l'état de nature, l'un par rapport à l'autre. En effet, la sincérité et la fidélité sont des choses que les hommes sont obligés d'observer religieusement, en tant qu'ils sont hommes, et non en tant qu'ils sont membres d'une même société. Quant à ceux qui disent qu'il n'y a jamais eu aucun homme dans l'état de nature, je ne veux leur opposer que l'autorité du judicieux Hooker. Les lois dont nous avons parlé, dit-il en entendant les lois de la nature, obligent absolument les hommes à les observer, même en tant qu'ils sont hommes, quoiqu'il n'y ait nulle convention et nul accord solennel passé entre eux pour faire ceci ou cela, ou pour ne pas le faire. Mais parce que nous ne sommes point capables seuls de nous pourvoir des choses que nous désirons naturellement, et qui sont nécessaires à notre vie, laquelle doit être convenable à la dignité de l'homme, c'est pour suppléer à ce qui nous manque, quand nous sommes seuls et solitaires, que nous avons été naturellement portés à rechercher la société et la compagnie les uns des autres. Et c'est ce qui a fait que les hommes se sont unis avec les autres et ont composé, au commencement et d'abord, des sociétés politiques. Fin de citation. J'assure donc encore que tous les hommes sont naturellement dans cet état que j'appelle état de nature, et qu'ils y demeurent jusqu'à ce que, de leur propre consentement, ils se soient faits membres de quelque société politique. Et je ne doute point que dans la suite de ce traité, cela ne paraisse très évident.